Les petites histoires de Telmi. Panique à la piscine. Aujourd'hui, j'ai piscine. Et la piscine, je déteste. Ça sent les pieds, le ménage, ça crie de partout, et ça me donne mal à la tête. Et puis, je sais pas nager. Et quand on sait pas nager, on peut se noyer, même mourir. J'en fais des cauchemars. À chaque fois, c'est la même chose. Je tombe dans une piscine géante et je n'arrive jamais à remonter. Je me réveille toujours en sursaut, tellement en sueur qu'on dirait que je suis vraiment tombée à l'eau. Bref, c'est pour ça que j'évite de nager. Même quand on part en vacances à la mer ou qu'on va à Aquafun avec ma cousine Louise. Mais là, pas le choix. C'est l'école. Et j'ai vraiment trop peur. J'ai bien essayé de faire la malade pour éviter le premier cours, mais maman est plus forte que les détecteurs de mensonges qu'ils utilisent dans les films. Clémentine, ne fais pas l'enfant. Voilà ce qu'elle m'a dit. Et j'ai été obligée d'y aller. Forcément, ce premier cours a été horrible. Un peu à cause de ma peur de l'eau, et beaucoup à cause des sorcières. La bande d'Hélène, les pires méchantes de la planète. Elle ne rate jamais une occasion pour se moquer. Enfin, surtout Hélène, sa bande ne fait que rigoler derrière. Au premier cours, Hélène s'est moquée de ma copine Sandra. Elle l'a traitée d'hippopotame devant tout le monde. Elle a même ajouté « Tu devrais nous attendre dehors, les animaux ne sont pas autorisés ici ». Tout le monde s'est moqué. Et Sandra s'est effondrée. C'était si injuste que la colère m'a fait hurler. « Au moins, un hippopotame nage mieux qu'une bande de dindes !» D'un coup, tout le monde a fermé son clapet. J'étais un peu fière. Mais Hélène s'est avancée vers moi, raide comme un piqué, le regard plus noir qu'un corbeau. La peur m'a fait reculer jusqu'au bord de la piscine. J'ai paniqué. Elle a souri. Je me suis mise à genoux en la suppliant de ne pas me pousser parce que je ne savais pas nager. Elle m'a dit « T'es trop la honte de la classe, t'es pire qu'un bébé !» Et toute sa bande a pouffé. Fred et Dom, les maîtres nageurs, sont arrivés. Tout le monde s'est tu. Ils n'avaient rien vu. Et le cours a commencé. Sauf pour moi. J'avais le ventre tellement tordu que je suis restée sur un banc à regarder les autres. Les moins forts d'un côté, là où on a pied, et les plus forts de l'autre. Sandra était avec les forts. Elle nage vraiment bien. On dirait un dauphin. Et je dois l'admettre, les sorcières aussi. Aujourd'hui, c'est le deuxième cours. Et je ne peux pas faire le coup de la maladie une deuxième fois. Pourtant, je suis toute flagada. Mes jambes sont en guimauve et mon ventre est si noué que je n'arrive même pas à avaler mon petit déjeuner. Mange un peu, ma chérie. C'est important avant le sport. J'ai pas faim. La piscine. J'ai peur. Encore ? Ben oui. La piscine, ça me fait encore plus peur que les chauves-souris ou le sirocco à la fête foraine. Ça me donne mal au ventre. La dernière fois, je suis restée au bord de la piscine. Ce n'est pas grave. Tu vas apprendre? Non, parce qu'il y a les sorcières. Les pestes qui se moquent de vous? Oui. La dernière fois, Hélène m'a traité de gros bébé devant tout le monde. Ne l'écoute pas. Elle aussi, au début, elle ne savait pas nager. Alors cloue-lui le bec en devenant une super nageuse. Dans les vestiaires, en m'habillant, je vois que maman a glissé un petit mot avec mon goûter. Courage, tout va bien se passer. Ça me réchauffe un peu le cœur. Mais d'un coup, on me l'arrache des mains. C'est Hélène. Alors, bébé Clémentine a besoin d'encouragement ? Les sorcières éclatent de rire. Le reste de la classe me regarde, désolée. Tout le monde quitte le vestiaire. Je me retrouve seule avec Sandra, incapable de bouger. Elle me prend la main et on rejoint les autres. Après avoir traversé le pédiluve dégoûtant sur la pointe des orteils, on se met tous au bord de la piscine pour écouter Fred et Dom. La piscine me semble encore plus immense que la dernière fois. Hélène me lance un vilain clin d'œil. Je recule, mais les encouragements de maman résonnent dans ma tête. Armée de courage, je m'avance. Je regarde même le fond pour voir si c'est profond. Mais d'un coup, la peur m'envahit. La piscine va m'engloutir. Mes jambes se dérobent. Sandra me rattrape. Regardez, il y a l'hippo qui vient à la rescousse de la crevette. Et encore, les vrais, elles savent nager, hein. Les sorcières pouffent. Mais Fred s'énerve super fort et elles se font toutes petites. Après ça, Les forts vont vers le grand bassin et mon groupe de nuls, là où on a pied. On s'est mis en file indienne. Notre exercice avait l'air facile, il fallait juste sauter en boule dans l'eau. Sauf que moi, je suis tétanisée. J'ai trop peur de couler. Tout le monde est excité, me bouscule, me dépasse, personne ne fait attention à moi. Tant mieux, avec un peu de chance, Fred ne remarquera rien. C'était sans compter sur cette peste d'Hélène qui s'est empressée de l'avertir en lui disant que j'avais besoin d'aide. Résultat, il est venu me voir, les sourcils froncés. Ça ne va pas, Clémentine ? Si, si. Tu ne veux pas faire l'exercice ? Non. La piscine est trop profonde, je vais me noyer. Mais vous avez pied, là ? Sauf que moi, je suis toute petite. Je suis sûre que je n'ai pas pied. Et si je te donnais un cours particulier ? Tout le monde va se moquer de moi. Mais non, ils seront tous occupés avec Dom. On va faire en sorte que tu n'aies plus peur et que tu arrives à plonger. Ça va durer toute la vie, parce que je ne plongerai jamais. Ça prendra le temps que ça prendra, mais tu vas y arriver, j'en suis sûr. Dom récupère mon groupe de nullos et avec Fred, on va de l'autre côté de la piscine. Sur le chemin, il attrape une grande frite en mousse. Tu vas t'asseoir sur le rebord et mettre tes jambes dans l'eau. Vous n'allez pas me pousser, hein ? Mais non, pourquoi je ferais une chose pareille ? Tu plongeras dans l'eau en restant accroché au bord et je te passerai la frite pour que tu flottes. Et si tu y arrives, après on fera des exercices. En m'asseyant, je glisse et je m'étale comme une otarie. Les sorcières me mitraillent avec leurs sourires moqueurs. Mon cœur se met à battre à 60 000 à l'heure. Je suffoque. Fred m'aide à me relever et m'apprend un super exercice de respiration. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Petit à petit, je me calme. Pleine d'hésitation, je mets mon gros orteil dans l'eau. Ça me donne la chair de poule. Fred m'encourage. Je mets mes pieds dans l'eau, puis mes jambes. J'ai peur, mais je pense aux mots de maman qui me donnent alors plein de force. Presque sans m'en rendre compte, je me retrouve dans la piscine cramponnée au bord, avec de l'eau juste au-dessus du cœur. Comme prévu, Fred me tend la frite. Je m'y cramponne. Un peu paniquée, je bats fort des pieds jusqu'à ce que la peur s'évanouisse. Je flotte. Et encore mieux, je sens qu'avec cette frite, je ne peux pas me noyer. Fred sourit. Sans qu'il ne me demande rien, je continue de battre des pieds plus calmement et je me mets en route vers le milieu de la piscine. Je me sens si légère qu'un large sourire s'imprime sur mon visage à moi aussi. Je croise le regard des autres, épatée. Une vague d'encouragement me pousse à aller plus vite, plus loin. Rien ne peut m'arrêter. Mais d'un seul coup, ma frite disparaît. Hélène se tient à côté de moi, un sourire mesquin sur ses lèvres. Je me sens couler. Je bats des bras pour rester à la surface. Mais ça ne sert à rien. Je sombre. L'eau rentre dans mon nez. Ça me brûle. Je tousse. J'avale des litres d'eau. J'étouffe. Mes yeux me piquent si fort que je suis obligée de les fermer. Je n'entends rien. Il n'y a que des bruits de bulles autour de moi. Je me débats pour essayer de me remonter. Mais le fond de la piscine m'attire. J'abandonne et me laisse couler. Soudain, on m'attrape le bras. Je suis propulsée à la surface. L'air remplit mes poumons. Je crache toute l'eau que j'ai avalée. Des cris de panique explosent dans mes oreilles qui se débouchent enfin. Tout est brouillé. Mes yeux brûlent. Je les ferme. On me traîne jusqu'au bord et on m'allonge sur le carrelage froid de la piscine. J'ouvre les yeux. Fred est à côté de moi, tout flou. Je distingue les visages des autres de la classe. Ils sont blancs de peur. À les voir, on dirait que quelqu'un est mort. Fred me parle, mais je ne comprends rien à ce qu'il dit. Je reste allongée, sonnée. Fred m'emmène alors à l'infirmerie de la piscine pour que je me repose. Je m'assoupis. Quand je rouvre les yeux, c'est maman qui se trouve en face de moi, l'air paniquée. Elle me dit qu'elle aurait dû m'écouter quand je lui disais que je ne voulais pas aller à la piscine. Qu'elle est désolée. Mais ce n'est pas de sa faute. Elle n'a rien fait. Elle ne pouvait pas savoir. En rentrant à la maison, elle m'annonce que je peux arrêter la piscine si je veux. On me trouvera un autre sport. La Clémentine de ce matin aurait sauté de joie. Mais celle de cet après-midi n'a pas envie d'arrêter la piscine. Au contraire. Je le dis à maman, qui me prend dans ses bras et me dit que je suis la petite fille la plus courageuse qu'elle connaisse. Le lendemain, le maître nous apprend qu'Hélène est exclue pour une semaine. On parle de ce qu'il s'est passé pendant un long moment, mais moi, je n'ai plus trop envie d'en parler. À la récré, les sorcières sans leur chef viennent me voir, leurs regards rivés vers le sol pour me dire qu'elles sont désolées, qu'Hélène est allée trop loin et qu'elles ne sont pas d'accord avec ce qu'elle a fait. La vie à l'école reprend son cours. Et puis, un matin, devant l'école, Hélène réapparaît. En me voyant, elle s'approche. Je fais un pas en arrière. Puis je vois qu'elle est toute penaude à se tortiller les mains. Elle me dit qu'elle est désolée, qu'elle voulait juste rigoler et qu'elle ne pensait pas que ce serait aussi grave. Elle ajoute qu'elle s'en veut énormément et qu'elle se moquera plus jamais des gens. Hélène ne plus se moquer des gens? C'est encore une de ses ruses. Puis, j'aperçois une larme couler sur ses joues. Une larme? Je lui tends un mouchoir. Elle me remercie. On se regarde pendant de longues minutes en silence. Alors, elle me propose son aide pour le prochain cours de piscine. Oh, je suis tellement étonnée que je hoche juste la tête. Elle sourit. Finalement, peut-être qu'une sorcière peut devenir sympa.